Arthur, c'est pas mal. Les jours je les bois, les nuits je les cache. Même l'ange de la mort a le permis décalé, ils ont relevé les plombs. Si tu le sais, réponds. Plusieurs messages sur le PGP, en effet, ça bombarde à fond. Sauté au plafond, je les teste, tu fais telle et telle, et tu fonds des faits, mes fronts. Merde, le génie dans la bouteille, pourquoi tu bafouilles, je crois que tu parles de voisin. C'est moi le grand artiste, on a tourné petit frère, je suis même capable de te présenter ton voisin. T'es pas assez pécho, seul dans l'audi, ils veulent pécho. Appelle Yabou, ma gueule, c'est des sosies. Crac en réchaud, t'es passé chez So, t'es condé aussi. C'est Playmobil, t'as les histoires. On fait neiger, on fait pleuvoir. J'suis pas responsable, j'suis influençable. Même sa mère la juge m'a interdit de me voir. Il arrive derrière, mais j'ai du gros. 9 mm couché sous le bureau. 9, 3, 4, 10 milliards. On est 6 milliards comme les mecs des mureaux. Gâteau. Oh ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. J'ai un poisson père, j'ai mangé mon père, à droite j'ai mon frère, qui nique leur mère, je suis sur les nerfs, regard vénère, ouais, je veux des terres, on se connaît pas, ne me juge pas, je marche la tête haute dans les rues de Ripa, marche avec moi, ne panique pas, c'est accroché, quand ça tire, je ris pas, je suis devant toi, au feu j'avance pas, mais le jeu non, dès que tu danses pas, si tu déconnes, retourne à l'école, je veux rien m'étonne, puis les potes que j'en bats, tu fais plus par il, tu fais par sol, litron de larmes sur les joues des renvois, je suis pas une femme, je fais pas la queue, je fais du papier, car tu veux ma boîte née à 32. Si je t'entends qu'à moi la sauf qui peut. Depuis petit peu, je fais ce que je peux. Du violet et pas un petit peu. Voilà j'en veux, petit morveux. Je sais d'où je viens donc c'est ce que je veux. Petit morveux, je sais d'où je viens donc c'est ce que je veux. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué.